couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2, sur Fadjet.net et en DAB+. Pierre au micro pour une demi-heure avec les artistes de la région et de la grande région, puisque aujourd'hui je reçois un étranger, un homme qui ne vient pas de chez nous, mes chers amis. Il ne vient pas de la Lorraine, ses compatriotes non plus. Ils viennent du territoire ennemi. Ils viennent de l'Alsace. Et c'est comme ça qu'on démarre une guerre, mon cher François, n'est-ce pas ? Eh ben écoute, c'est un peu comme ça. Après, bon, ennemi, je ne sais pas, voisin sûrement, ravi d'être voisin. Avec toi aujourd'hui. Et puis, quelque part, on a joué pas plus tard que samedi soir. On a joué en Lorraine. Donc, quelque part, tu vois, les frontières sont extrêmement perméables. C'est vrai, mais évidemment, c'était pour la blague. Donc, samedi dernier, vous ouais. étiez en Lorraine. On était en Lorraine. On a fait un super concert. Ouais, en acoustique. Un concert en acoustique. Alors, on va présenter quand même le projet, parce que là, les auditeurs, ils se disent, qui est-ce ? Qui est ce gars-là, bien sûr. De qui parle-t-on ? Eh bien, on parle de Grand March. Ouais. Non, ouais. Alors écoute, c'est un peu à la discrétion de chacun. Nous, on le prononce Grand March. Grand March. Voilà. Grand March. Grand March, ouais. Comment on dit ? Vous êtes cinq. Un quintet. On est cinq. Quintet, alsacien. On est basé à Strasbourg. Alors, Grand March, c'est cinq musiciens. Ouais. C'est quatre garçons et une fille. Il y a Fred à la batterie, Lucas à la basse, Antoine au clavier, moi-même François qui suis le guitariste du groupe. À la guitare. Et Hélène, notre leadeuse, notre chanteuse, notre voix. La voix de Grand March. Alors, exactement. C'est un groupe qui existe depuis 2010. Absolument, on va presque sur les 15 ans maintenant. 15 ans. Donc, groupe de rock. Hein. C'est toujours difficile un peu d'étiqueter le genre musical, mais on se considère comme un groupe de rock qui a beaucoup évolué hein, depuis les presque 15 ans d'existence. Au départ, Grand March, c'est un couple, c'est un duo, à la scène, mais aussi à la ville. Fred, le batteur, et Hélène, la chanteuse, avaient envie de faire de la musique. Ils ont commencé à en faire tous les deux. Ils ont commencé en duo. Et puis, au fil des années, encore une fois, en presque 15 ans, les membres du groupe ont évolué au hasard des rencontres. Le style a aussi évolué. On pourra peut-être en reparler. Mm-hmm. Et on arrive maintenant sur le dernier album, le cinquième, Back to the Wall, qui est sorti en février. On arrive sur une équipe au complet et sur une équipe hyper stable. Donc, cinq albums. Cinq albums pour cinq membres. Ouais, c'est pas mal. Mais si vous sortez un sixième, il ne faudra pas se sentir obligé de... Le sixième, il est déjà... On y pense déjà. Hein, déjà. On vient à peine d'accoucher du cinquième. Bien sûr. On est déjà dans la perspective, ouais. Alors, ces albums-là, ils sont disponibles, j'imagine, sur toutes les bonnes crémières digitales et numériques. Ouais, et en CD et en vinyle. Parce qu'effectivement, alors je vais pas argumenter ça pour des raisons générationnelles, mais on est effectivement des musiciens d'un âge avancé. Avancé, je sais pas, mais un âge qui fait que quand on a découvert la musique, quand on a écouté de la musique ado, etc., on achetait des CD, on achetait Bien des sûr. Disques. Donc c'est vrai que les plateformes musicales, on va pas les nommer, on les connaît toutes. Voilà, tous les albums, tous les titres, les EP, que ce soit les plus récents ou les plus anciens, sont disponibles sur ces plateformes pour Grand March. Dispo sur notre site internet aussi grandemarche.fr. Et comme je l'indiquais, effectivement, on est très très très très attaché au support physique. Ce dernier album, CD et vinyle, sont disponibles. Et on peut les acheter via votre site internet, par exemple ou... Absolument. Ouais. Il y a toutes les infos hein, pour les curieuses et les curieux, pour celles qui auraient et ceux qui auraient envie déjà de voir nos têtes, d'écouter notre musique, de se renseigner un peu sur notre prochaine date de concert. D'acheter nos disques, tout est dispo sur grandemarche.fr. Grandemarche.fr, je consulte le site à l'instant où nous parlons et ça fait rock and roll, effectivement. Ouais, en plus, le site, on l'a entièrement refait l'année dernière, justement, dans l'approche de la sortie du nouvel album pour avoir pour avoir un support et une vitrine aussi digne de ce nom. Le côté visuel est important, même en musique, Absolument. François. Et en plus, moi je parle de rock'n'roll, mais j'ai ma voix qui commence aussi à partir en mode rock. C'est marrant. François, guitariste de Great March, Grande Marche. Pourquoi ce nom? Alors, Grande Marche, en fait, ça revient aux origines du groupe. Au départ, comme je l'évoquais, il y a une quinzaine d'années, quand Fred et Hélène ont monté le groupe, ils avaient des inspirations qui étaient très folk, très folk blues. Et en fait, Grande Marche, c'est le nom des titres lors des festivals de musique et lors des festivals folk. La Grande Marche, en fait, c'est le premier morceau de ces festivals, où la tradition veut que tous les invités se retrouvent sur la piste de danse. Et en fait, c'est le morceau inaugural. Eh ben dis donc, Voilà, pour c'est la petite référence culturelle. eh bien, c'est un point culturel très appréciable. Mais effectivement, le titre ne vient pas de nulle part. Tu sais que j'ai déjà reçu, mon cher François, des groupes qui avaient un titre tiré au chapeau Ah, ou alors... juste avec des mots, des lettres mises au hasard. Ouais, alors pour la petite anecdote, nous, ça nous arrive dans la phase de préparation de nos compositions. C'est-à-dire que quand on, et on pourra y revenir sur comment on compose, etc. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, jusqu'à ce que le morceau soit vraiment ce qu'on appelle maquettable, enregistrable, rares sont les morceaux qui ont leur titre définitif dès le départ. Et on s'inspire, ça peut être vraiment... Je ne sais pas, un truc qui nous tombe sous les yeux, je viens de manger des pâtes, je vais l'appeler le morceau Noodles. Enfin, ça va être un truc comme ça. Et c'est seulement une fois que le titre, pardon, est vraiment abouti avec son texte aussi définitif, que là, on va le repasser, on va le rescanner, pour ainsi dire, pour lui donner son Lui donner titre définitif. son Ouais. nom final, le baptiser. On peut du coup embrayer sur ce dernier album qui est sorti Back to the Wall, qui est composé de 9 titres éclectiques. Moi j'aime bien ce mot. Éclectique, du folk au power rock avec toujours ses racines blues Ouais, que et un moi j'ai petit peu. bien constaté. Ah bah ça fait plaisir. Et puis effectivement, pour cet album-là, sur les 9 titres originaux, t'as rappelé les inspirations principales. On va aussi un petit peu plus dans des territoires un peu nouveaux pour nous, mais cohérents avec l'empreinte musicale d'ensemble. On est reparti un peu dans les sources. Dans la source du genre, dans les années 50-60, avec des inspi un peu plus soul et rhythm and blues aussi pour cet Soul et album. rhythm and blues, donc le rock et tous ses branchements finalement. Exactement, tentaculaire, ouais. C'est tentaculaire Ouais. et c'est tentaculaire. Alors c'est rigolo parce que c'est tentaculaire en même temps. Ces tentacules ne peuvent pas avancer parce que on est face au mur, on est dos au mur souvent. Ah, bien vu, absolument. Bah ouais, en fait, c'est la traduction du titre, hein, Back to the Wall. On est dos au mur, voilà, on est dos au mur, on regarde le monde, des constats. C'est vrai que dans les textes et dans les thématiques qu'on aborde dans ces 9 titres, bah, c'est pas exhaustif, mais on réfléchit beaucoup parce que ça nous touche, hein, et que ça nous atteint en tant qu'être humain, en tant que citoyen. On réfléchit beaucoup à des thématiques comme les violences faites aux femmes, comme le changement climatique, la crise migratoire. Les addictions aux nouvelles technologies comme le téléphone portable. Enfin, dit comme ça fait pas vraiment rêver. On se dirait, mais c'est un album hyper sombre. Heureusement qu'il y a des morceaux un peu plus légers. On parle aussi un peu d'amour. Je prends l'exemple du titre Vertige pour alléger un petit peu l'ambiance générale du disque. Mais c'est vrai que sans prétention d'avoir des propositions de solutions par rapport à tout ce qu'on vit à l'échelle planétaire en ce moment. On endosse assez généreusement notre posture de musicien pour dire, bon, ben, on a des choses à dire, justement, et on les met en musique. Oui, c'est ça, la musique au service des mots et des Ouais. mots. Mot TSM, Exactement. c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je crois que ça. Ouais. Non, mais c'est très bien vu. Mais Parfait. c'est un peu ça. Back to the Wall, on aura l'occasion, évidemment, chers auditeurs, puisque des musiques valent mieux que des mots, et c'est bien quand il y a les deux. Ouais. En même temps aussi, Oh, ah ouais. on écoutera coup sur coup, hein, restez avec nous à la fin de l'émission, en deuxième partie de l'émission, trois morceaux. On aura Black Screen Baby, Twisted Ways et Blue Lips. Et je suis fier de mon accent anglais, là, Il est top. présentement. Sur Absolument top. Fadjet, merci. Sur Fadjet, dans Couleur Locale au 94.2 à Nancy, sur Fadjet.net et en DAB plus. Et oui, ça, c'est nouveau également sur Spotify, Fort Podcaster, le replay, bah voilà, le replay. Voilà. On a tout dit. Le replay de l'émission, si vous l'avez raté, il sera sur mon Spotify, Fort Podcaster. On est avec Grand March, on est avec François, le guitariste. On fait un coucou, évidemment, à tous tes copains. Du Ah ouais, coup, je pense fort à eux. on Je pense pense fort, fort fort à à eux eux. en ces temps où nous sommes dos au mur, où on ne sait pas comment prendre de la hauteur. Et j'ai envie de dire, c'est on ne sait pas, mais la société et les décisions politiques ne nous Oui. permettent pas de le faire parfois. C'est un message politique, Exactement. chers auditeurs. Repassons sur la musique. Ça finit en hic aussi, ça rime, mais c'est plus sympa de parler musique que de parler politique. Oui, ouais. Processus de création, cinq personnes. Alors, étant musicien aussi, dans un groupe de cinq personnes, je sais que parfois, quand on veut créer, ça peut poser quelques soucis, puisque cinq individualités, c'est cinq backgrounds, cinq Ouais. envies, cinq cultures, cinq façons de travailler. Comment on accouche de Back to the Wall? Comment Glenn March Bah, compose? alors, bon, en plus de ça, comme tu l'évoquais, si tu es musicien, tu sais que malheureusement, il n'y a pas de recette magique, Non. il n'y a pas de recette miracle. On est cinq musiciens, on est cinq individus différents, avec justement des inspirations un petit peu différentes, avec des expériences aussi humaines, musicales un peu différentes. Après, moi, je ne crois pas au hasard, hein, si on s'est retrouvé au sein de Grande Marche, c'est que forcément, il y a quelque chose qui fonctionne. Pour répondre à ta question, nous, on n'a pas de processus de composition établi, fixe. Il n'y a pas de règles. Ça va vraiment dépendre. On a tous notre mot à dire. Donc, les morceaux de Grande Marche, que ce soit les plus anciens ou les neuf titres du dernier album Back to the Wall, ça peut partir de quelque chose de très simple. Ça peut être une ligne de basse, un riff de guitare, une mélodie de chant qu'Hélène aura chantonné sous sa douche et qu'elle nous aura envoyé comme ça. Et puis de ces idées naissent parfois, mais pas toujours, hein, parfois des morceaux. Donc on se retrouve avec quelques grains de sable. On se retrouve pas forcément au complet d'ailleurs. On peut aussi travailler, faire des petites sessions de travail à deux ou à trois. Objectif principal, c'est d'arriver à une structure, une architecture globale d'un morceau. Et après, bah, il n'y a pas de secret, hein. On le fait tourner en répète, on colle un texte, et puis on essaye de le faire grandir. Parfois, tu parlais d'accouchement. Parfois, l'accouchement est très facile, très rapide. Et On peut parfois, il avoir faut comme une ça des. césarienne. Et C'est ça que parfois, je voulais dire. c'est. Bah oui, il y a comme ça des morceaux. Bah, par exemple, dans ce dernier album, Back to the Wall, un titre que tu évoquais parce qu'il sera diffusé un petit peu plus tard, Black Screen Baby, qui traite de l'addiction au téléphone portable, c'est un morceau qui a été, je dirais pas fulgurant, mais qui nous est venu hyper rapidement. Hyper rapidement. Et puis d'autres morceaux, toujours sur cet album, je pense à War Days, qui lui traite de la crise migratoire. Bah lui, on l'appelle, on en parle souvent entre nous, c'est un morceau un peu serpent de mer. C'est une composition qui a presque 4-5 ans maintenant. L'architecture du morceau était à peu près claire, mais on tournait autour du pot, on n'arrivait pas à l'aboutir, on n'était pas content, parce qu'on est assez soucieux du détail, hein, comme c'est souvent le cas pour les musiciens, je pense que ça te parle aussi. On n'arrivait pas. Non, on Évidemment. n'était pas content. On n'était pas content. Et pour débloquer la situation, bah, comme dans la vie, hein, il suffit d'un petit truc sur lequel tu n'as pas la main, un petit déclic. Et là, on y est arrivé. Et War Days, superbe morceau, très orientalisant, avec beaucoup de textures, un peu inédit, hein, dans le style global de l'album. Il est là, il existe, enfin. Il existe enfin après un travail serpentin. Ouais, Et tentaculaire. on y revient Serpentin, je ne toujours, sais pas on y si revient toujours. ça se dit comme ça, mais on y revient toujours. Hein. Ces Absolument. tentacules, ces messages qui sont passés, cet éclectisme autant dans la musique que dans les mots, ça, j'apprécie. C'est une grande marche à laquelle on vous invite à participer, chers auditeurs, et on est très bon sur les transitions et les liens. Ça, je tiens à le dire sur Fadjet en couleur locale. YouTube, 60 vidéos. Alors, j'imagine qu'il y Ouais. a à boire et à manger, hein, puisqu'on commence tous quelque part. Mais même là, je vois qu'il y a des choses qui ont l'air intéressantes, des sessions pendant le confinement, de chant. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que maintenant, hein, depuis quelques années, on essaye de se tenir un peu à la page. Donc, quand on fait comme ça de la musique, il y a la composition, il y a le plaisir de se retrouver pour composer, pour jouer, il y a le live, bien entendu, il y a les enregistrements, la production, mais il y a aussi tout le côté un peu communication. Et ça passe forcément par les réseaux sociaux. On essaye justement d'être présent sur les réseaux pour annoncer les concerts, pour publier du visuel, pour publier du son. Et effectivement, on a aussi notre chaîne YouTube qui nous suit depuis les débuts. Donc, à boire et à manger, c'est vrai qu'on a l'honnêteté de garder toutes les vidéos depuis le début. Et puis, bah, en 15 ans, le groupe a beaucoup évolué aussi. Hein, donc, on a appris à faire plus de choses, on a appris à mieux faire aussi, mais ça nous permet aussi bah, de mettre à disposition nos clips, parce que on tient beaucoup aussi à la mise en image, on tient beaucoup à la scénarisation, et pour ce dernier album, Back to the Wall, on a eu une super expérience, c'était pas le premier, de mettre en image le type que j'évoquais un petit peu plus tôt, à savoir Black Screen Baby, avec cette idée d'addiction au téléphone portable. Donc, le clip est dispo sur notre chaîne YouTube. Et on est super. Bah ouais, parfois, il faut savoir le dire. On est super fiers du résultat. Faut être Déjà, fier de ce qu'on fait. Ouais. on est fiers de ce qu'on a fait bah, pour cet album, bien sûr, mais aussi pour ce clip. On a beaucoup travaillé la mise en scène pour justement rendre un peu cet aspect de la thématique, hein, quant à l'addiction au téléphone portable. C'est notre ami Grégory Rodriguez qui était en charge de la réalisation. Donc on a toute une mise en scène. J'en dis pas trop non plus, hein, Ah non, il pour faut inviter les auditeurs à pas, oui, regarder. pour pas spoiler, enfin comme on dit en français, pour ne pas divulgâcher un petit peu ce que Divulgacher. divulgâcher, ouais, pour qu'ils aient la surprise. Mais Bien sûr. voilà, on accorde beaucoup de soin aussi à l'image et le clip pour nous, c'est un support qui est hyper intéressant et qui donne toujours aussi et surtout quelque part de très bons souvenirs de tournage et de très bons souvenirs de moments passés ensemble. Du team building au service du projet et de la musique. Ouais. On est quand même bien, François, là, Bah ensemble. oui, bah on est très. Et ça touche en plus d'ailleurs à sa fin, puisque le temps file, sans vouloir être vulgaire. C'est horrible. Il faut arrêter ce genre de blague à la noix. Grand March, donc c'est un groupe, à mon avis, qui doit envoyer la patate aussi sur scène. Parce que finalement, de musicien à musicien, on kiffe ça jouer Ah en public. bah oui, alors c'est voilà le live, bon moi personnellement, sans délaisser les autres tâches, hein, mais c'est ce que je préfère. Alors Grande Marche, bah, il se passe beaucoup de choses maison, donc sur la programmation, sur la recherche de lieux, de dates, on met tous la main à la pâte. On a la chance en fait d'avoir un agenda autour de la sortie de l'album il y a maintenant 3 semaines. Le dernier album est sorti le 23 février. On a la chance d'avoir une à deux dates par mois, ce qui, à notre hauteur, est hyper C'est satisfaisant. très satisfaisant, oui, effectivement. Voilà. Et en fait, tu parlais du confinement et des vidéos qu'on avait faites pendant le confinement. Bon, comme je disais, comme on en a discuté, Grande Marche est un groupe de rock. Donc, c'est des prestas électriques, c'est des prestas rock. On bouge, ça danse, ça envoie. Et en fait, on avait eu une idée pendant le confinement, c'était aussi de proposer des formules acoustiques. Parce que après le confinement, les salles ont mis du temps à réouvrir, les programmations ont mis du temps à se recaler, tout était décalé, c'était compliqué. Nous, on voulait absolument revenir sur scène et revoir du public le plus vite possible. Donc on s'était amusé aussi à réarranger tous nos morceaux en version light, en version acoustique, pour pouvoir accéder tout simplement à des lieux de plus petite envergure. Et aussi dans une configuration où on n'était pas tenu par une limite de décibels. Donc on a expérimenté ça dans des jardins, chez des copains. On débarque, on peut jouer dans ton salon, faire un concert de 2 heures. Concert Et ça privé. crée une super ambiance. On est à 50 cm des gens. Et donc, ouais, Grande Marche, c'est version acoustique et version électrique. François, guitariste de Grande Marche, tu étais avec nous pour nous présenter le projet. Merci à toi. Un grand Prochaine date, merci. peut-être. Je te laisse finir tes remerciements. Alors, bah, un grand merci, super échange. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop dans le détail pour Non, certains. ça va. J'espère que l'auditoire lorrain aura la curiosité d'aller voir toutes les infos. Grandemarche.fr, Grandemarche.fr, Facebook aussi. Facebook, Insta, YouTube, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et pour ceux qui sont lorrains, mais qui aiment l'Alsace, et on aime l'Alsace, et qui aiment la ville de Strasbourg, qui est juste une ville magnifique, on a une date qui arrive le 11 avril. Ouais, bah on a joué en Lorraine le week-end dernier, là, il y a 2 jours. Et prochaine date, à la Péniche Mécanique, ce sera le jeudi 11 avril, avec un groupe de Nancy. On organise un coplateau avec Grande Camino. Alors, Grande Marche, Grande Camino, c'est le hasard des noms des groupes. Et ça va être une Excellent, super soirée. Ça va vraiment exceptionnel. être une super, super soirée. Si vous voulez découvrir le nouvel album, sur scène, on joue aussi des Des titres anciens. anciens. Et on sera avec Grande Camino, groupe de Nancy, qui lui-même sort de studio. Donc, ça va être une soirée géniale. 11 Ça avril, Strasbourg, Péniche Mécanique. va être une soirée, j'ai même envie de dire grandiose. Ah, bah Merci. voilà. Merci François. On Merci va à toi. poursuivre l'émission, mais avec l'écoute des morceaux. Chers auditeurs, ce sera Black Screen Baby, Twisted Ways et Blue Lips, coup pour coup. Et oui, c'est la première fois que je fais ça. Je fais ce que je veux si vous n'êtes pas content. C'est comme ça. Sur Fadjet, dans Couleur Locale, au 94.2 à Nancy, sur Fadjet.net et en DAB+, les trois morceaux sont issus du dernier album de Grand March, Back to the Wall. Ça fait presque nom de morceaux de Pink Floyd. Ouais, il y a ce côté un peu planant, Pink Ouais, Floyd, presque Doors aussi, ce côté c'est un que petit ça, peu rigolo. aqueux, un peu vaporeux, ouais. Ouais, c'est marrant. On va écouter ça et si vous avez raté l'émission et l'interview, l'émission sera disponible en podcast sur Spotify for Podcasters et sur Fadjet.net pendant une semaine. Merci François. Merci Et encore. on se balance tous les sons là et on y va. C'est Grand Super, March sur merci. Fadjet dans Couleur Locale. Sorry. twisted way. I set in my life ablaze. Torment me all night long. You and your twisted ways. I set in my life ablaze. Oh.